Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Elisabeth Inandiak, écrivaine, vit depuis 25 ans sur l'île de Java, sur les flancs du volcan Merapti. Pendant de longues années, elle s'est appliquée à comprendre la littérature javanaise, et c'est un trésor précieux qu'elle nous livre en publiant une réadaptation de Santini, un des chefs-d'œuvre de la littérature à Java. Quelles sont les problématiques que tu vois ici et quelles sont les solutions que tu proposes? Donc là, tu parles de récupération de l'eau des pluies, donc ça c'est plus pour le côté autonomie. Tu parlais aussi des rivières qui sont polluées par tout ce qui est plastique qu'on balance. Enfin, quelles sont les grosses problématiques auxquelles doit faire face le peuple et quelles pourraient être les solutions pour amener un mieux-être? Voilà, le reportage que j'ai fait sur l'huile de palme, c'est très compliqué parce que la première problématique en Indonésie, c'est qu'il n'y a pas eu de réforme agraire à l'indépendance en 1945, il n'y a pas eu de répartition des sols, de cadastre qui a été fait. Donc à la fois, c'est pour ça que d'ailleurs le Parti communiste a eu tant de succès, parce que c'était des revendications de réforme agraire qu'ils voulaient. Les Indonésiens, ils ne sont pas athées, ils n'avaient pas tellement, à part une poignée de gens, la plupart c'est des gens assez spirituels, etc., pas forcément rattaché à une religion, mais quand même. Donc, ce n'était pas le problème de la religion opium du peuple, c'était vraiment un problème de réforme agraire qui n'a pas été fait. Et alors, le problème des forêts, tout ça, c'est les peuples indigènes. Mais les peuples indigènes, ici, il y a une alliance des peuples indigènes qui s'appelle AMAN, qui est formidable et qui fait un travail gigantesque. Et ils estiment qu'il y a entre 50 et 70 millions de peuples indigènes en Indonésie, enfin de gens, et ça fait 40% des forêts. Mais il n'y a pas de cartographie qui a été faite encore. Donc, pourtant, dans la constitution indonésienne, l'existence et le droit des terres aux peuples indigènes est reconnu. Et il y a une loi en 2012 qui la renforce encore. Mais comme il n'y a pas de descriptif, c'est une guerre, il y a des conflits énormes de terres entre les compagnies minières, les compagnies de plantations de bois, de palmiers à huile, et ces peuples indigènes ou ces populations locales. Peuple indigène, c'est un sens large ici, ce sont des communautés, c'est pas simplement les Orang Rimba, enfin ceux qui sont à Sumatra, les nomades ou les Dayak, c'est aussi des communautés qui peuvent prouver que depuis plusieurs générations, ils ont un système de droits coutumiers particulier, etc., et qu'ils ont des terres qu'ils cultivent, etc. C'est pour ça que ça fait beaucoup de monde. Et donc, c'est un travail qu'il va falloir faire à un moment, et ça, je pense que c'est un des problèmes principaux. Et donc, du coup, qui est responsable des ressources sur ces terres, du nettoyage des rivières, etc. C'est très compliqué. Donc ça, je pense que c'est un des problèmes. Et puis l'eau, alors c'est le paradoxe, on est sous les tropiques et en même temps, pendant la saison sèche, on se retrouve avec des puits à sec dans certaines régions. Et l'énergie qui est utilisée ici, on n'a pas parlé de l'énergie, c'est quoi? C'est hydraulique? C'est nucléaire? D'où vient, quand tu allumes ton ampoule, là, comment ça se passe au niveau énergétique? Dans ma maison, par exemple, il y a 1800 watts. Hein. La plupart dans les villages, c'est 400 watts, 450 watts. Je crois que la moyenne nationale, c'est peut-être pas plus de 2000 watts, hein, si on compte les... En France, je sais pas, c'est 20 000 watts, non? Dans un appartement à Paris. C'est toujours ce que je fais remarquer à mes amis quand ils commencent à me faire le discours évangéliste sur les pays du Sud qui détruisent leurs ressources. Je lui dis, regarde dans ta maison, là, dans la pièce où on est, t'as combien de watts? Donc, le problème, c'est qu'on oublie que, voilà, si d'un seul coup, je ne sais pas, les 100 millions de villageois en Indonésie veulent passer de 450 watts à ne serait-ce que 10 000 watts, on va prendre où? Ils y ont droit. Ou alors non. Ou alors, il faut que nous, on soit prêts à ne n'avoir que, disons, 2000 watts chez nous. On est prêts? On n'est pas prêts. C'est toute la problématique liée au développement. Hypocrisie. Parce que parmi tous mes amis militants en France, qui ont participé à cette COP sur divers points de vue, aussi bien en anthropologie, en politique, en économie. Il n'y en a aucun qui fait de sacrifices, pas vrai. Parce que les sacrifices, ils sont lourds, si on veut. Parce que tous ces gens, ici, ils ont le droit à ça. Ils ont bien le droit d'avoir une voiture aussi, et pourquoi pas. Ils ont bien le droit d'utiliser du papier WC, alors qu'il y en a qui ne l'utilisent pas jusqu'à présent. Ils ont bien le droit aux couches bébés. Mais est-ce que ça va fonctionner de continuer à vivre sur ce modèle économique de développement? Bien sûr qu'ils y ont droit à consommer pareil que nous, d'avoir le même téléphone, la même voiture, deux motos, une baignoire, utiliser de l'eau, bien sûr. Mais est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va marcher? Ah oui, mais vous ne pouvez pas dire à ces gens-là, nous on y goûte, mais vous, vous n'y avez pas droit, attention, parce qu'autrement ça va faire exploser la table, qu'on commence nous à réduire. Mais on ne le fait pas, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Faut être honnête, c'est pas vrai. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Et ben ici. Comme si vous fumez des joints et puis vous dites à votre enfant « Non, moi j'ai le droit de fumer, mais toi, non. Parce que c'est pas bon pour toi. » Bon, ça va pas, quoi. Ça va pas. C'est... Donc, d'un seul coup, l'Occident, l'Europe se réveille effrayée de voir qu'il y a une classe moyenne mondiale, essentiellement venue de l'Asie, parce que c'est là où... Qui se met à consommer, comme eux, bien moins encore, mais comme eux. Ah, c'est la panique. C'est la panique, d'où le COP 21, sa panique. Ah, mais ça, c'est un éveil de néocolonisateurs, quoi. Donc, évidemment, ici, on se bouge aussi, on se bouge. C'est pour ça, moi, je me suis dit, maintenant, j'arrête de parler, je ne veux plus ces discussions à Paris qui n'en finissent plus. J'essaye de, moi, de faire quelque chose. Là, il se trouve que j'ai cette terre, elle n'est pas très grande, mais je dois en faire quelque chose. Et Dieu sait si c'est dur, parce que je n'ai pas... J'apprends tout, je suis là. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont cette conscience. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui s'en fichent complètement, qui ont envie de consommer, puis c'est tout. C'est la majorité, évidemment, comme partout. Donc voilà, moi, après m'être occupée de catastrophes naturelles, ce qu'on appelle, qui ne sont pas pour moi des catastrophes naturelles, le tremblement de terre, c'est un mouvement de la terre naturelle, une éruption volcanique aussi, simplement, bon, il y a des êtres humains qui ont été détruits, morts dans l'histoire, donc c'est une catastrophe, on peut appeler ça une catastrophe, mais la vraie catastrophe, c'est cette négligence des hommes, donc... les voisins eux-mêmes, c'est ce qui irrigue leur rizière, ils jettent tout dedans. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on jette comme ça tout dans sa rivière ? Il n'y a pas de système de collecte qui existe, qui est mis en place ? Donc, comment dire aux gens ? Donc, c'est très compliqué, parce que pour dire aux gens d'arrêter, il faut proposer un système de collecte. Elisabeth, on est passé à l'Institut français, on m'a parlé de toi par rapport à ton bouquin. Donc on va le prendre, je vais te laisser me le présenter, Les champs de l'île à dormir debout. Donc comment est-ce que tu en es venu à écrire sur ce conte Santini? Raconte-moi un petit peu ce projet d'écriture. C'est une longue histoire, hein, mais bon. En fait, la première fois que je suis arrivée en Indonésie pour ce reportage, pour Actuel, une des premières personnes que j'ai rencontrées, c'est un certain Mohamed Rashidi, qui avait été le premier ministre des cultes de l'Indonésie à l'indépendance, sous le président Sukarno. Et il avait écrit, comme je faisais un reportage sur la mystique javanaise, il était assez orthodoxe, mais dans le sens de l'orthodoxie religieuse. Il avait aussi étudié à l'Azhar en Égypte, l'islam. Et donc, il faisait une critique de la mystique javanaise qu'on appelle le Kejawen, qui est trop farfelu, qui est extrêmement sexuel, érotique. Mais il en faisait, c'est pas par puritanisme, il disait qu'il mélangeait tout, qu'il prenait de l'islam, qu'il déformait, etc. Et il avait même traduit des passages d'un texte qui s'appelle Gato Locho, ça veut dire le pénis ambulant, qui est un espèce de texte tantrique javanais, où ce personnage, qui est un fumeur d'opium, fait des débats et défie des maîtres spirituels, des musulmans, un peu coincés dans sa fumerie d'opium, et s'ils perdent le débat, ils doivent se convertir à sa religion, ce qu'ils refusent, donc ça se finit très mal en général. C'est un texte qui a été très célèbre, qui était en javanais, qui a été traduit en indonésien sous la dictature, ça a été interdit. L'édition indonésienne a été brûlée, celle javanaise non, parce que peu de gens peuvent la lire, puis quand même on respecte le patrimoine, mais on n'avait pas envie que le peuple, que beaucoup de gens lisent ce texte. Et il avait fait une étude et une traduction de ce texte, lui, curieusement. C'est-à-dire que ça fait partie de ces gens qui critiquent, mais en fait qui s'y intéressent, quoi. Donc c'est bon. Et je l'ai rencontré, j'étais assez fascinée, et je me suis et quelques années plus tard, il est mort, etc. Mais je tombe sur un résumé dans un livre écrit en trois volumes par Denis Lombard, qui est un historien qui est mort maintenant de Java, de l'Indonésie, qui s'appelait le Carrefour javanais, à l'Institut des hautes études à Paris. Et il y avait deux pages consacrées à ce texte, cette grande épopée qui s'appelait « L'errance des insatisfaits ». Alors rien que le titre m'a attirée. Et donc je lisais que c'était une épopée extraordinaire et qu'elle n'avait jamais été traduite en aucune langue, même pas en indonésien. Donc je me suis dit, mais c'est incroyable, et je me suis sentie une complicité immédiate avec ce texte. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des recherches, et je me suis aperçue que ce Mohamed Rashidi que j'avais rencontré lors de mon premier voyage avait fait des études, avait fait un doctorat de philosophie à la Sorbonne à Paris en 1956, et que son doctorat avait pour thème la langue arabe et l'islam dans le livre de Centini. Donc je suis allée à la Sorbonne, on m'a dit que le livre avait été descendu, sa thèse a été descendue aux Indiens, ça veut dire que c'est au quatrième niveau, c'était vraiment dans les sous-sols, que ça n'intéresse plus personne, on attend l'enterrement, les funérailles définitifs. Et que de toute façon, comme l'auteur était mort, il fallait que j'aie une autorisation de la famille pour sortir le manuscrit, je ne sais pas quoi. Donc heureusement, j'ai appris qu'il avait été republié par l'École française d'Extrême-Orient dans les années 70, donc j'ai pu y accéder. Les pages n'étaient pas ouvertes, elles n'étaient encore pas découpées. Donc j'ai découpé sur place avec un couteau, ce qui voulait dire que pas grand monde l'avait lu. Et c'était une mine, c'était extraordinaire. Voilà, et c'est comme ça que je suis rentrée dans cette longue recherche. J'ai rencontré énormément de gens en Indonésie, un peu par hasard, des toutes sortes de gens qui me racontaient ce livre. Et petit à petit, j'ai commencé à imaginer, comme je ne pouvais pas comprendre le texte en javanais, c'est extrêmement difficile. Je me suis dit que j'allais écrire un roman imaginaire, comme ça, à partir de ce que j'imagine, de ce qu'était cette épopée. Et puis, c'est à ce moment-là que l'ambassadeur de France, qui était un grand lettré, Thierry de Bosset, m'a invité à l'ambassade. Pourtant, je ne fréquente pas vraiment les ambassadeurs, mais bon, là, c'est un homme très particulier, parce qu'il était en train d'écrire un roman. et ils cherchaient, sur Java, ils cherchaient une fleur emblématique comme la mandragore, l'équivalent de la mandragore. Et alors je lui ai parlé, d'ailleurs je le raconte dans la préface du livre, de la Wijaya Kusumo qui s'appelle la fleur de victoire. Donc j'ai une plante ici mais qui fleurit plus, qui est une sorte de cactus dont la fleur fleurit à minuit, très rarement, dégage un parfum extraordinaire qui vous réveille au milieu de la nuit. Donc on reste devant la fleur en contemplation et avant l'aube, elle se fane. Et cette fleur est dans le livre de Centini à la fin, c'est la fleur de résurrection aussi. Et le héros la mange, et en fait, c'est une manière de symboliser la réincarnation, etc. Donc je lui raconte ça, il est fasciné, il me dit « mais qu'est-ce que c'est que cette œuvre ?» Et je lui dis que c'est comme Borobudur, c'est un chef-d'œuvre en voie de disparition. Et tout de suite, il me dit « mais la France va le sauver, faites-moi un budget, etc. » Donc j'ai eu une aide de l'ambassade de France, directe de l'ambassadeur, pour travailler pendant des années avec une spécialiste de la langue javanaise pour traduire d'abord le livre et puis après il a fallu que de ce marécage j'en fasse une version française et puis après etc etc. Voilà, c'est comme ça que cette histoire s'est mise en place. Et que va trouver le lecteur en ouvrant les pages de ton bouquin? C'est une immense quête de personnages. En fait, ce sont des jeunes gens, princes et princesses qui doivent fuir leur royaume qui est attaqué. C'est un royaume musulman de l'est de Java qui est attaqué par le sultan Agung de Yogyakarta. À l'époque c'était Mataram, ça s'appelait, et il veut conquérir, c'est le Napoléon de Java, il veut unifier tous les royaumes et instaurer non pas un islam arabe mais un islam javanais beaucoup plus. Et donc le prince et son frère et sa sœur fuient et puis se perdent. Et donc toute l'histoire, c'est qu'ils vont se chercher. Et en même temps, ils sont poursuivis par les espions du sultan Agung, donc ce qui crée une espèce de suspense. Mais en se cherchant les uns et les autres, ils se cherchent eux-mêmes, en fait. Et donc, ils s'arrêtent dans une multitude de lieux vraisemblable, aussi bien des fêtes, des mariages, des orgies sexuelles, des temples antiques ravagés dans la forêt, des endroits incroyables. Et là, il y a toujours des gens qui leur racontent des savoirs. Donc, c'est considéré comme une encyclopédie des savoirs javanais, sous une forme pas du tout alphabétique, mais comme ça, aventurière. Mais en même temps, dans cette quête spirituelle, le héros essaye de se rapprocher, de s'unir au divin. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, je ne raconte pas la fin, mais celle qui réussit, c'est la servante qui s'appelle Centini, justement. Le titre de l'épopée, en fait, à l'original, c'est Suluk Tampangrara. Suluk, c'est le chant, dans l'islam soufi, ça veut dire entrer dans la voie. Donc c'est une œuvre soufi, en fait, un tantrique soufi. Et Tambangrara, c'est le nom de la femme du héros. Donc il est connu depuis, je ne sais pas quand, sous le livre du Serat, c'est le livre de Centini, et c'est le nom de la servante. Alors pourquoi la servante a donné son nom à cette épopée? Et donc moi, en explorant, en travaillant des années dessus, j'ai fait ma propre interprétation en disant que c'est elle qui réussit à s'unir au divin en servant les autres, donc par le plus bas, alors que le héros finalement va rentrer dans l'ego spirituel qui est un danger. Et c'est extraordinaire parce que justement, en général, les quêtes spirituelles sont des happy endings pour le héros, mais là, c'est la servante qui réussit. Donc c'est extraordinaire. Et puis il y a des personnages, il y a le personnage d'un adolescent. Il y a 12 livres, et sur les 4 livres, il recouvre, c'est son errance avec 3 copains qui se transvestissent et qui vont tout essayer, tous les trucs sexuels, aussi bien l'homosexualité, les drogues, à l'époque c'est l'opium, les trucs de prestidigitation totalement délirants. Et c'est l'histoire d'un adolescent, et c'est très rare qu'un grand texte, enfin l'Odyssée sans doute, ça devait être aussi celle d'un adolescent, mais peut-être ça a été, ou Les Mille et Une Nuits aussi, il paraît que c'était quelque chose de beaucoup plus ésotérique avant, et que c'est devenu populaire et qu'on a enlevé tous ces enseignements ésotériques. Mais en même temps, là, c'est à la fois ésotérique, mais c'est très concret. Et cet adolescent, il incarne vraiment les adolescents d'aujourd'hui. C'est pour ça que c'est un texte totalement contemporain dans lequel se retrouvent tous les jeunes indonésiens, parce qu'ils découvrent ce qu'on leur a caché pendant des siècles, à la fois la colonisation hollandaise qui a essayé de faire croire que c'était un peuple poli et soumis, donc. Et puis après... l'islam puritain qui fait croire que tout ça, ça n'existe pas. Et d'un seul coup, ils découvrent que dans leur palais a été écrit une œuvre totalement libre avec des personnages d'adolescents qui ont des histoires comme eux aujourd'hui, qui se cherchent. Donc c'est très très contemporain et ça a beaucoup de... Ouais. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Le voyage, regarde d'ailleurs, chemin le plus court pour se découvrir soi. Donc le bouquin, il est publié, je prends les références, au seuil, Les Chants de l'île à dormir debout, donc le livre de Santini, version par Elisabeth Inandiak. Elisabeth, quand on va partir d'ici, on va aller direction de Borobudur. Qu'est-ce qui nous attend là-bas ? Bien, c'est un grand mystère. Parce que, en fait, on ne sait pas grand-chose sur Borobudur. On ne connaît pas l'architecte. Non, Prambanan, tu as 3 temples, un à Shiva, un à Vishnu et un à Brahma, donc les 3 principaux divinités de l'hindouisme. Mais à côté de ce complexe, tu as Chandiseu, qui ça veut dire les 1000 temples qui sont bouddhistes, Plaosan qui est bouddhiste, parce que à Java, cohabitaient vraiment l'hindouisme et le bouddhisme. Mais ça ne se mélangeait pas. Je veux dire, Plaosan, c'est bouddhiste. Vishnu, quand les hindous d'Inde viennent, ils retrouvent tout, tout ce que... Donc, ce n'est pas mélangé, non. Mais c'est côte à côte. Borobudur, c'est bouddhiste totalement. Et c'est même stupéfiant, parce qu'ils sont arrivés à construire en 3 dimensions... à raconter en 3 dimensions la philosophie de la vacuité, qui est l'essence du bouddhisme, et ce qui ne s'est jamais fait nulle part dans le monde, même en Inde ou dans aucun pays. Même encore, il y a de très beaux temples, de très belles statues, mais il n'y a pas ce récit, ce parcours initiatique qui vous amène jusqu'à la vacuité avec toute l'histoire, tous les symboliques et tout. Donc c'est extraordinaire. Mais en même temps, les interprétations sont multiples. Son histoire, l'histoire de sa construction est assez mystérieuse. Et ce qui est encore plus mystérieux, c'est pourquoi ce temple a été abandonné vers le 11e siècle. Alors on a décrit une très grande éruption volcanique, effectivement c'est passé en 1010, d'ailleurs on s'apprêtait en 2010 à faire le millénaire, et comme il y a eu l'éruption, ça a été arrêté, les festivités ou les commémorations, et donc et le bouddhisme a disparu du centre de Java. Donc ça, on ne sait pas ce qui s'est passé, il y a une multitude de versions. Donc Borobudur, un mystère. Il faut savoir qu'en fait, il y a énormément de bouddhistes en Indonésie maintenant, beaucoup plus que les chiffres officiels, parce que les chiffres officiels, ils ont tous les registres, puisqu'on doit mettre sa religion sur la carte d'identité. Donc moi, j'avais demandé il y a quelques années, il y a au moins 10 ans de ça, mais déjà c'était la démocratie en Indonésie. Donc, les bouddhistes osaient dire qu'ils étaient bouddhistes, mais ça commençait juste. Et c'est parce qu'il y a beaucoup de Chinois bouddhistes qui ont, pour se protéger des massacres à une époque, ont plutôt mis qu'ils étaient chrétiens que bouddhistes, voire musulmans. Donc, j'avais demandé les chiffres officiels au ministère des religions. Ils m'ont envoyé tout, par région et tout. Les chiffres, et à l'époque, il y avait pratiquement 10 millions de personnes officiellement sur la carte d'identité. C'était il y a 10 ans. Donc, à mon avis, officiellement, il y a au moins 15 millions de bouddhistes. Or, quand on voit les chiffres, on dit toujours il y a 4-5 millions de bouddhistes, 1%. C'est pas vrai. Mais effectivement, c'est quand même beaucoup des communautés chinoises, de descendance chinoise, mais il y a aussi beaucoup d'indigènes, quoi, qui sont, parce qu'il n'y a pas 15 millions de Chinois. Mais en allant en Borobudur, on va voir des monastères qui sont toujours actifs, on verra des moines qui seront là. Sans doute, avant d'arriver, il y a un temple qui est très beau, où il y a Maitreya, un grand Bouddha assis. Juste en face, il y a un monastère, le monastère de Mendut, qui a été construit par... un vénérable qui est un très bon ami, qui est d'origine chinoise, indonésienne, javanaise, qui s'appelle Bante Panyavaro. Alors, si vous y allez le matin, il sera peut-être là. Autrement, de toute façon, les portes, c'est fascinant parce que tout est toujours ouvert. Même la bibliothèque, c'est ouvert. Il n'y a pas de grille, il y a pas de gardien, il n'y a pas de. Ça montre bien quand même l'harmonie qu'il y a. Mais c'est vrai que ça tient beaucoup à ce vénérable. Mais ils sont une toute petite communauté de moines. Ils sont peu nombreux parce qu'il y a peu de vocations. Et puis, bon, eux, ils sont Theravada, parce que, en fait, quand le bouddhisme est revenu à Java de façon plus ostentatoire, c'était dans les années 20-30 du XXe siècle, et c'était par les théosophes, donc, qui arrivaient avec la colonisation hollandaise et tout, et qui arrivaient du Sri Lanka. Donc, ils ont apporté la forme du Theravada, qui a été présente aussi en Indonésie. Mais enfin, il est à côté de Borobudur, et c'est pas du tout, par contre, Borobudur, c'est le Mahayana. Donc, c'est. Mais voilà, donc c'est un lieu fascinant qui est en train de réinvestir un peu spirituellement parce qu'il a été restauré par le dictateur, par Suharto. C'est une des très bonnes choses qu'il a faites avec quand même, on dit des fonds de l'UNESCO, mais pour 10%, le reste c'est l'argent de l'État indonésien. Donc il a bien fait attention de dire que c'était un objet culturel, enfin un objet touristique, objet wisata, et non pas un lieu de culte. Et donc, mais quand même de plus en plus, maintenant qu'il est ouvert qu'une fois par an au moment du Wesak, l'illumination du Bouddha, pour le culte, mais maintenant de plus en plus, il y a des exceptions qui sont faites. Mais les bouddhistes indonésiens, dont Bante Panyavaro, sont très prudents parce qu'ils ont peur aussi que si ça devient trop un lieu de culte, il risque d'y avoir de l'opposition. Donc, tout ça est très fragile. Il faut être très, très subtil, quoi, pour pouvoir cohabiter dans tout ça. Mais bon, voilà. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.